Imagination. Écoutez. RLM. Leads on of imagination. You're listening to Illusion. RLM. Et oui, salut, c'est Harry et je suis super content de vous retrouver dans l'émission 120 au compteur comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h avec toute une équipe de fous autour de moi. Alors je ne sais pas par lequel commencer tellement il y en a. On va commencer par le plus beau, le plus sympathique, le plus talentueux, le plus canon. Ouais, salut, c'est canon. Salut à tous, bonsoir la France, bonsoir l'Europe, bonsoir, non pas les poilus. Il y en a plus. Pourquoi les poilus? Bah, il y en a plus. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, le dernier a disparu. Tout ça, vous allez bien? J'en connais un, moi, des poilus, mais. Ah, oui. Je savais que c'était pour te faire deviner. Ça va? Bah, ouais, très bien. Je suis en train de me pencher sur le micro, j'ose pas le tordre. Attends, je vais le remettre droit. Ouais, voilà. Et, bah, ok. Voilà. C'est fait. Maintenant, c'est fait. Donc, toi, Canon, tu vas nous parler. Tu vas nous faire une belle petite chronique. Ah, je vais parler pendant plus de deux heures. Ouais, une chronique. Je vais reprendre, en fait, une chanson des années 80 que vous connaissez. C'est vraiment une chanson formidable. Et je vais vous la traduire, enfin, voilà, de l'anglais au français. Vous allez essayer de la découvrir et derrière je vous passerai un mix plutôt soutenu techno comme j'ai mon habitude et j'espère que ça vous plaira. Ah bah j'espère bien. Tu nous parleras aussi d'une expérience que tu as vécue, il faut que tu en parles parce que c'est quand même assez exceptionnel. Alors j'avais 12 ans. Celle-là, ça s'est passé derrière l'église. D'un bel événement qui a eu lieu, je pense, la semaine dernière, il faut que tu nous en parles forcément. Ah oui, ça s'est passé au Maroc. Hein, si ça s'est passé au Maroc. Voilà, donc ça il faudra que tu nous en parles. Nous sommes également avec la charmante et la délicieuse Marine. Oh, elle est mignon. Salut. Bonsoir. Ça va et toi? Bien, alors toi tu vas nous parler d'une découverte. Ouais, je vais vous parler de Pierre Pruvot. Tiens donc, Pierre Pruvot, je pense qu'on l'a vu sur scène il y a quelques temps, c'est ça? Oui, le 26 octobre à Waterloo au CSU. Et voilà, tu vas nous parler de Pierre Pruvot et ça va vous rappeler d'autres chanteurs, ça j'en suis certain. Un très très bon compositeur et parolier. Nous sommes également avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et alors toi, Sherlock, évidemment, tu vas nous parler de cinéma. Oui, bien sûr. Cinéma. C'est ça. Bon, enfin pas trop. Hein. Oui, bah, alors tu vas commencer. Bon, au moins deux fois dans l'émission. Tu vas commencer avec le rétrociné. C'est ça, avec donc la chronique rétrociné, je vous parlerai d'un film de 2016. Ah ouais, quand même, de très récent. Okay. Oui. Et puis, j'espère que vous l'avez vu. Ah ouais. Ou j'espère que si vous ne l'avez pas vu, ça vous donnera envie d'aller le voir ou de le regarder, de l'acheter légalement, bien sûr. Oh mais comment il nous l'a fait à chaque fois? Évidemment qu'on bah oui. Tu nous parleras aussi évidemment des sorties ciné. Oui, des sorties ciné d'hier. Voilà. Et puis alors nous on recevra donc d'ici quelques minutes Mike qui fait partie donc de l'association Phoenix, qui est une association artistique. Oui. Pour nous parler donc d'une pièce qui s'intitule Manipulation et qui va se jouer sur Waterloo bientôt. C'est ça, oui. Donc voilà, donc on le recevra d'ici quelques minutes, mais en attendant, musique. C'est parti. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et toujours dans l'émission 120 au compteur, on vient de s'écouter Soul Sisters, c'est un groupe belge des années 80 qui chantait The Way to Your Heart. Ah, c'est marrant parce que j'étais persuadé que c'était. Tu sais, celui qui chantait pour Retour vers le futur, il y a à peu près le même style, hein, je trouve. Qui, Lewis. Ah ouais, Huey Lewis. Oui, t'as pas tort. Je pensais que c'était lui, moi. Non, non, c'est vraiment. Soul Sisters, un groupe belge. Ah, en plus, déjà. Ah ouais. J'adore. Bah, en parlant belge. Oui. Bah moi, je voudrais vous présenter Pierre Pleugot, qu'on a découvert à la soirée caritative des Clones de l'Espoir le 26 octobre au CSE de Waterloo. Donc, c'est un artiste, auteur, compositeur et interprète originaire de Fromelles. C'est en 2009 qu'il a composé ses premières chansons qui s'appellent M'oublie pas et You and Me. En 2010, commence son aventure musicale donc quand il travaille avec Sam Wilcox. Arrêtez. Sam Wilcox, qui a notamment travaillé avec Joe Cocker, Patricia Cass ou encore Cookie Dingler. Ah ouais. Ouais. Il y a 4 ans, il est parti en tournée dans la région parisienne, les Hauts-de-France et à Marrakech, où il a partagé l'affiche avec Michael Jones, Nadia, Sherif Hanouna et Merwan Rim. Donc si vous souhaitez découvrir son univers musical, ben il y a une page Facebook, YouTube, vous pouvez le trouver sur Deezer et Spotify. Ça me fait penser moi aussi le chanteur Moss. Je sais pas si vous Mousse, oui. Moss, non, je ne sais pas. Moss, ouais, qui chantait avec Charlie, je recherche. Ah non. Ah non, ça ne me dit rien. Moi je connais Mousse, mais Moss. Moss. Enfin, ou ouais. Moss Def, mais. Quel Moss, mais. Non, juste Moss. Donc il a sorti un album donc il y a 4 ans qui s'appelle Dans mon univers. Et donc rendez-vous sur sa page Facebook pour le découvrir un petit peu plus, ses chansons françaises. Et il y a aussi des chansons où c'est fort sarcastique. On va découvrir un titre alors. Ouais. Donc moi je vous ai choisi le titre On regarde les gens partir. On regarde les gens partir, et c'est parti. Tombe la nuit erre dans les rues, qui suis-je pour ne pas l'avoir vu? Ma peine reste dans l'ombre, ces quelques corps déchus, les idées noires se dévergondent. Ce n'est plus un secret, les anges restent au ciel, ce que l'amour lui bat de l'aile. Cette aveu, je n'y crois plus. C'est bien dommage, à première vue, je croyais pourtant que c'était elle. Alors on regarde les gens partir. Encore, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Alors toutes ces fleurs qu'on respire. Encore ce que notre âme doit guérir. Ce n'est plus un secret, quand tu as peur de l'eau, tu finis toujours par plonger quand même. L'humour est au désespoir, ce qu'un manchot est au piano. Au final, personne ne t'aime. Ça me dépasse, je comprends rien, mais ça m'angoisse. Mais que veux-tu que j'y fasse? Je dois être trop gentil ou un peu con, ni riche, ni pauvre, mais trop bon. Et pourtant, j'avais raison. Alors on regarde les gens partir. Encore, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Alors toutes ces fleurs qu'on respire. Encore ce que notre âme doit guérir. Ce n'est plus un secret, les étoiles tombent, elles finissent entre elles. parmi les colombes. L'amour, l'amour, toi, t'as la vérité, ce que la fatalité entraîne dans l'ombre. Alors on voudrait s'enfuir encore, encore sans jamais revenir. Alors on garde les gens partir. Encore, encore, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Alors toutes ces fleurs qu'on respire. Encore, encore, ce que notre âme doit guérir. Et alors, on voudrait partir, tout plaquer, quitter le quotidien, fuir. Sans punir, sans mentir, sans rien dire. Faire le point avec l'avenir. Prends le temps de respirer. Tout simplement partir. Alors on pourrait enfin prendre l'air. Encore une fois, la tête dans l'air. Alors cette fois, je te dirai merci. Encore pour me faire changer ta vie. RLM 107.9 FM. Et donc on vient de s'écouter Pierre Prouveau avec son titre On regarde les gens partir. Donc moi j'ai eu l'occasion d'aller le voir donc le 26 octobre. J'ai vraiment adoré. Et donc si vous souhaitez connaître un peu plus son univers, eh bien rendez-vous sur sa page Facebook, sa page YouTube, Deezer ou Spotify. Donc Pierre Prouveau qui va sortir un album courant 2019. D'accord, mais qu'est-ce que t'as aimé en fait? Ouais, voilà, comme j'allais dire, t'as vraiment adoré, ouais. Qu'est-ce que t'as adoré en fait? Bah j'aime bien, tu sais, bah, ses textes. Et puis en plus, quand tu vas le voir, il est fort proche de son public. Ouais. Et puis il partage vraiment. Il écrit bien, c'est vrai que les textes sont beaux. Ouais, il écrit sympa. Alors par contre, moi si je peux me permettre, par rapport à ce titre-là, l'ayant vu aussi sur scène, c'est pas représentatif de ce qu'il fait sur scène. Alors ceci dit, il a fait que 3 titres quand on est allé le voir. Mais il y a vraiment un échange avec le public, c'est très sarcastique et tu le disais, t'as tout à fait raison. Il y a un titre qui s'appelle qui est pour les vieux d'ailleurs, mais je pense qu'il parle de sa grand-mère et tout ça. Et c'est vrai que c'est très marrant. Et d'autant plus que on voit que c'est un pro sur scène, c'est que quand il fait des erreurs, et c'est qu'à un moment il fait une erreur sur scène, il y a un problème d'accord ou je sais plus de parole, bah, ça passe super bien parce que le mec il sait occuper la scène. Quoi. On voit que c'est un pro, vraiment, réellement. Oui. Et t'as tout à fait raison, moi je vous invite franchement à aller sur sa page Facebook pour découvrir le petit côté un peu Corbier. Oui, il y a un petit côté Corbier, tu sais, il vient avec sa gratte tout seul et puis il occupe la scène pendant un quart d'heure et ça c'est vraiment sympa. Et donc rappelle-nous, donc c'est Pierre Prouveau. Voilà, ce que tu dis, c'est vrai, parce que souvent la couleur musicale, c'est vrai, quand tu vas voir un artiste en solo, alors soit tu le vois bien identifié, on a vu Claude Barzotti, il peut venir, mais il a quand même un concert derrière. Moi je me dis, le mec il passe une heure et demie avec sa guitare, il est quand même seul au monde. Hein. Bien sûr. Et je veux dire, bon, bien sûr, on va le voir pour lui, on vient l'écouter, etc. On dit souvent, je vais venir te voir, je dis souvent, viens plutôt m'écouter. Mais comme tu dis, Corbier, c'est vrai que c'est le gars, il était là pendant une heure et demie, tu vois pas passer. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai vu un de ses concerts en vidéo. Et en fait, il est très très proche de son public. C'est ça, ouais. Donc à découvrir. Tu nous rappelles son nom et son site hein. Ouais, donc Pierre Prouveau, donc il y a une page Facebook, YouTube, sur Deezer et Spotify aussi. D'accord. Ouais. Et donc dans quelques instants, après la coupure musicale, on va retrouver on va retrouver Mike. Donc Mike. Et qui va nous parler de manipulation. Et qu'est-ce que manipulation? On va découvrir. Eh ben c'est juste après ça. Allez. Normal, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus pierre, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters.

so slashed and torn. Et c'est toujours aussi bon, bien évidemment, avec alors un titre de Queen, Under Pressure. Ouais, Queen et David Bowie. Ah, voilà, absolument. Donc un titre emblématique aussi hein, du groupe Queen, quand même, ouais. Qui a super bien marché. Alors, il me semble que ce titre a été chanté également avec Annie Lennox, non hein Oui, Annie Lennox au Freddie Mercury Tribute. C'est oui, oui, je pense qu'Annie Lennox l'a chanté aussi. Ouais, mais peut-être que Mick Jagger. Mick Jagger, il me semble qu'il l'avait chanté aussi. Ouais. D'abord, vous venez de découvrir une... En plus, on parle de Mick. Vous venez de découvrir une voix. C'est pas Mick, mais c'est Mike. Yes. Mike, on vous l'a annoncé juste en début d'émission. Mike, qui est le président de la troupe Phoenix. Ouais, c'est bien ça. Ah, mais c'est nouveau, ça, dis donc. Non, c'est la troupe. Non, pas là. Le fait d'être président. Ouais, ça fait 2-3 ans maintenant. Ah, ok. Parce que, alors, Phoenix, en quelques mots, si tu peux nous présenter Phoenix. En quelques mots, c'est une association qui a été créée en 1999. Oui. Ça date pas d'hier. Qui est basée sur Waterloo. L'idée, c'était un ensemble de petits jeunes à l'époque qui venaient de plein de disciplines différentes et qui ont eu envie de mélanger tout ça pour faire des spectacles originaux. Donc il y a eu de la danse, du chant, de la comédie, des effets visuels. Voilà, tout ça s'est mélangé. Il y a eu pas mal de productions. Ça allait des petites pièces de théâtre devant 50 personnes jusqu'à des productions son et lumière devant 500 personnes. Ouais, on a eu plusieurs salons gros. Ouais. Et puis voilà, et puis ces dernières années, on s'est recentré sur essentiellement deux activités, les courts-métrages et le théâtre. Ah oui, absolument. Et donc là, en l'occurrence, tu viens nous parler de une création qui va avoir lieu donc le 17 et 18 novembre qui s'appelle Manipulation. Tout à fait, puisqu'on a la chance d'avoir un auteur parmi l'équipe, donc la pièce est totalement 100% originale. Alors c'est une vraie création, c'est une création donc d'Alexandre Morel, qu'on connaît évidemment, puisqu'il est guidé aussi chez Phoenix depuis la création. Voilà, depuis la création, il en est à son... Alors en pièce de théâtre pur, je ne dis pas de bêtises, c'est sa quatrième, et si on rajoute les spectacles son et lumière qu'il a écrit ou partiellement écrit, il doit en être à 7-8. Bon, eh ben, ce que je te propose, Mike, parce que justement, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de Manipulation qui va se jouer donc le 17 et 18 novembre donc à la salle Jean Jaurès à Waterloo et on en parlera juste après ça. Ok, ben c'est parti. Tu veux pas, chez toi c'est un jour sur deux. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Chez toi, ça marche comme ça. Les jours impairs, c'est presque le paradis. Mais les jours enfer tu fais de ma vie. Un véritable enfer, un coup c'est mal, un coup c'est bien, un coup c'est plus, un coup c'est moins, un coup tu pars, un coup tu reviens. Avec toi c'est tout ou rien, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est d'accord, un jour c'est pas question, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour sur deux c'est adorable, un jour sur deux c'est invivable. Tu m'aimais, et aujourd'hui c'est la guerre, tu changes d'avis sans arrêt, tu dis un truc et 5 minutes après, tu dis le contraire, rêve ou cauchemar, rêve ou cauchemar. J'ai kiff, tu changes tout le temps d'identité. Un coup c'est face, un coup c'est vide. T'es toujours trop passé. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est d'accord, un jour c'est pas question, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour sur deux c'est adorable, un jour sur deux c'est invivable. We'll be right back. aimez, c'est sur RLM. Manipulation, c'est tout un titre quand même. N'est-ce pas? Eh ouais, ouais. Donc on, je vous rappelle qu'on est avec Mike, qui est président. Donc, alors, quand on dit association à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué, mais on va dire plutôt de la troupe. Oui, de la oui, troupe Phoenix, qui existe donc depuis 99. Oui. Et là, nouvelle création, et quand je parle de création, ça a été écrit par Alexandre Morel. Donc, Manipulation, qu'est-ce? Alors c'est, on va dire, c'est un drame, un peu un thriller, on va dire politique, parce que c'est pas dans le milieu politique, mais ça se passe quand même dans les hautes sphères d'une multinationale. Ouais. Voilà, en gros, ça se passe chez Tecarion, qui est une multinationale qui s'occupe de valider des médicaments. L'histoire, c'est très simple, elle se passe à New York, elle commence un soir à Manhattan, au siège de la société, la veille du week-end. Premier personnage, c'est... Donc le vendredi. C'est ça, vendredi soir. Sarah Harris, c'est la nouvelle directrice financière qui se retrouve, malheureusement pour elle, coincée avec un inconnu dans les bureaux. Passe-partout, peut-être. Ça aurait été bien, mais non, puisque... Ah, c'est un inconnu, en tout cas. Manipulation. EVT Passe-partout, il aurait pu lui ouvrir. C'est vrai. On va se noyer dans l'histoire. Je le sens. On va partir loin, là, les gars. Pas de problème. Bref, cet individu étrange qui prétend être son prédécesseur et tente de lui faire des révélations sur la politique et les malversations, les petites choses un peu discrètes, discrètes, faites discrètement on va dire, mais pas très légales dans l'entreprise. Ça, ce sont donc les deux premiers personnages. Il y a deux autres personnages qui vont se greffer à l'histoire. Stephen Greyman, qui est le PDG de la société, et Hélène Fumeau, qui est la directrice du laboratoire technique et un peu la seconde du grand patron. Bref, l'idée de la pièce, c'est conçu, on va dire, comme une série théâtre. Imaginons, ouais. Il y a 9 scènes. Imaginons que chaque scène correspond à un épisode dans la saison d'une série. L'idée, c'est qu'à chaque fin de scène, il y a un rebondissement. On ne sait plus trop qui est allié à qui veut la peau de qui fraude et de quelle manière. Et évidemment, c'est à la fin de la 9e et dernière scène qu'on comprend exactement ce qui s'est passé. Donc il y a un dénouement. Il y a un dénouement. Alors on y rit quand même. Oui, alors c'est sérieux, mais il y a quand même des points d'humour, bien évidemment. Il y a des dialogues assez cinglants d'ailleurs, parce que on essayait d'être assez proche de la réalité, même si c'est pas un monde qu'on connaît. Du peu qu'on peut en entendre, de ce qu'on voit aussi un peu dans les séries qui se veulent réalistes, qui sont pas tendres en général les uns avec les autres, que ce soit dans la façon de se parler ou dans la façon de donner des ordres. Donc on joue beaucoup là-dessus pour entre guillemets amuser le public sur le relationnel. Je parle de séries télé, je vois qu'il y a Marine qui brûle de se poser la question, est-ce qu'il y a des scènes d'amour? Ça m'étonne pas d'elle. Alors, si on suit le scénario, oui. Maintenant, je ne vous dirai pas si elles sont vécues sur scène ou suggérées uniquement. Il faut venir voir uniquement. Écoute, on va se faire une coupure musicale et puis tu nous parleras aussi de la distribution. Tiens, dis donc. Oui. Juste après une belle programmation de notre ami Sherlock. Ça marche. Allez, on repart avec les Innocents. Cool. Ça va pas bien ça. Contre-réverbère des marées, fou allié, au coin des ruelles enlacées, vous a enfermé sur un océan de peupliers. Faire des villes, des porches, des cafés, des squares poussières, des usines où l'on danse. Sinon un nazi pour s'y laisser attacher. Chair contre chair, délicieuse démence. Il n'y a rien à promettre, juste faire en sorte, si le ciel est le maître, de rester encore. De ces bateaux-pôles infiliés, fous, alliés, sinon un ami sûr qui, dès que l'on se touche, file comme un chat. Et tout en redoutant son poison à l'usure, retourner sous une douche céleste à cet état. A besoin de promettre, mais prier chaque jour que les nuits se permettent, l'on restera toujours. Et c'était Guns N' Roses avec You Could Be Mine, tiré de la BO du film Terminator 2. Ouais, absolument, et ça change les innocents hein, quand même là. Ouais, bah, c'est, c'était pour vous réveiller un petit peu après les innocents en fait. Un petit coup de boost, là ça fait du bien de temps en temps sur les ondes de RLM, donc avec Guns N' Roses. Alors en parlant de coup de boost, on est avec Mike. Je suis un coup de boost. La transition n'est pas terrible. Mais, plutôt qu'un coup de boost. Mais on est avec Mike, justement, on vous parlait donc du spectacle Manipulation. Donc une création de la troupe Phoenix, donc qui va se produire le 17 et le 18 novembre à la salle Jean Jaurès de Waterloo. Qui est la salle des fêtes du centre. Voilà, c'est la salle des fêtes du centre. Donc c'est bientôt. C'est bientôt. Voilà. Donc Manipulation, en fait, donc c'est un petit résumé donc, de la pièce. Donc ça se passe dans une multinationale qui s'occupe de valider des médicaments. Voilà, ça se passe à New York. Et en gros, bah, dès le début, on est plongé dans des choses étranges avec une responsable financière qui croise un inconnu, qui veut lui faire des révélations sur l'entreprise, sur ce qui s'y passe. Et l'idée, bah, c'est que chaque scène constitue une sorte d'épisode. Il y a des rebondissements, on va voir qui manipule qui s'allie avec qui, quelles sont les différentes... on va dire comment la perte d'éthique peut progresser dans une grande entreprise. Il y a un message dedans, c'est des scènes engagées, sur l'écolo, sur le bio, sur le pharmaceutique. On peut pas se targuer d'être de faire un grand message politique ou social, mais oui, il y a une vraie volonté de traiter des sujets qui fâchent. Bien, ouais, bah, ça va être sympa. Alors, c'est les horaires, le 17 donc, et 18. 20h le samedi 17 et 15h le dimanche 18. Alors, au niveau de la distribution, oui. Combien de personnages? 4 personnages. Donc, le PDG de la boîte, soit principale assistante, on va dire, qui est la directrice du labo. La petite jeune qui vient d'arriver, qui est directrice financière, et un quatrième personnage qui prétend être son prédécesseur, mais on ne sait pas trop. Tu parles que c'est toi, Mike. Non, moi je suis le PDG. Ah, d'accord. Ok, le PDG, alors si tu devais donner des traits de caractère du PDG. Alors c'est vrai parce que la pièce a été écrite il y a 2 ans et demi et pourtant il y a beaucoup quand je joue l'impression de faire du Donald Trump président. Très très autoritaire, qui ne pense qu'à lui, qui aime bien se donner en spectacle devant les hautes autorités, devant ses principaux partenaires, qui a très peu de morale, très peu d'éthique. Bref, c'est un peu ce qu'on peut trouver de pire, je pense, dans le milieu. C'est emprunt quand même de réalité, c'est-à-dire la réalité d'aujourd'hui dans les entreprises. Voilà, c'est un peu le but. Alors je ne citerai pas parce que sinon je pense qu'il nous ferait un procès, mais l'auteur lui-même a travaillé pour une très grande multinationale. Je ne sais pas de quoi il parle, je connais. C'est un risque et péril. Je t'imagine très très bien, il faudrait faire ça avec la perruque de Donald Trump. J'étais en train de te regarder. Parce qu'on n'est pas dans la caricature, mais... C'est assez rigolo. Il faudrait le faire. Donc c'est le 17 et le 18 novembre, salle Jean Jaurès, donc à Waterloo, donc dans le centre, vous ne pouvez pas le louper. Et parlons de sous-sous un peu. C'est gratuit, c'est payant. C'est participation de 5 euros. Ah oui, voilà, c'est démocratique. D'accord, c'est oui, bien. Ah oui, c'est le but. Mais on y reviendra, évidemment. On va faire une coupure musicale et puis alors ça va faire plaisir à Mike aussi. Je sais qu'il aime tes chroniques rétrociné pour le film de 2016. Ce sera juste après ça. Oui, alors un titre que Marine m'a demandé à corps et à cri. Oh non, c'est Tribal King, Tribal King avec façon sexe. Hein? Elle a commencé à corps. Sans pression ni relâche jusqu'au bout. Partager ma passion, cela vous donne des risques. Dino vole maximum sur cette piste. Allons jusqu'au sommet où j'insiste. Efface toutes les tensions, ce soir c'est désolable. Quand je prends le mic, je m'enflamme. Je vous sens bien hop et dame. C'est ça que je veux mettre le feu. J'en la chaleur qui s'installe. Certains talents se dévoilent. De mieux en mieux. Que tout le monde va vous trouver, pas français.

premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et c'était Amy MacDonald avec This is the Life. Ah, et là, je vais vous parler d'un... Burger King, Quick. Non, en Belgique, et vous arrêtez pas de dire ça, mais en Belgique, on n'est pas obligé. Ça va faire 5 ans que je leur dis qu'on n'est pas obligé de reciter des marques. C'est vrai? Ah, ouais, ouais, en France, il faut à chaque fois citer des marques. Ah, ouais. Ah, ok. Bon, ah, parce que moi, je fais, c'est sûr. Il n'y a pas de concurrence déloyale en Belgique. Voilà, je ne vais pas vous citer de marques, mais je vais vous parler d'un film que j'ai regardé cette semaine. Non, cite-nous des marques plutôt. Bon, ok. Ouais, quoi qu'il y en a, il y en a sûrement dans le film. Allez, vas-y. Le film dont je vais vous parler, c'est sorti donc le 10 février 2016. Ah, mercredi. Oui, effectivement. Et le film est de Tim Miller, la musique est de Junkie XL. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Junkie XL, c'est celui qui avait fait le remix de Elvis Presley, A Little Less Conversation. Ah, peut-être, ouais. Je ne sais pas si je l'ai là, je vais essayer de le retrouver. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a notamment Karan Soni, Brianna Hildebrand, T.G. Miller, Ed Skrein et Morena Baccarin. Je sais pas si ça vous parle, je laisse l'acteur principal pour la suite. Le film a fait 3 763 671 entrées au box-office. Ce qui est quand même bien. Alors, quand on est en France, hein, c'est ça? C'est ça, en France. Ouais. Il a eu 3 prix, notamment au MTV et au Teen Choice Awards, et 10 nominations, toujours dans ces deux catégories, donc MTV et Teen Choice Awards, et aux Golden Globes. Mm-hmm. Ouais. Donc ce qui est quand même pas mal. Je vais vous passer un premier extrait, c'est une musique, ça va peut-être vous mettre sur la voie, écoutez bien. Don't get it twisted. This rap is my mother's not a game. What you heard? It's what you hearing. What you hearing? What you hearing? Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. What? Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock. Open up the door. It's real. Alors, le titre, c'est Gonna Give It To You. C'est DMX qui chante. Ouais. C'est un groupe de rap américain. Sans blague. Si vous n'aviez pas reconnu le style, c'est du... Non, c'est du hip-hop. C'est pas breton. C'est pas ça. Non, donc c'est DMX. Je vais peut-être vous passer un deuxième extrait qui va peut-être plus vous parler que celui-ci. C'est un extrait du film. Écoutez bien. Utilise tes pouvoirs pour le bien, sois un super-héros. Écoute, le jour où je voudrais être la cuillère à caca de la justice et vivre en dortoir avec un tas de pleurnichards, au pays imaginaire du manoir d'un pervers tout chauve qu'a fondé sa petite secte à lui tout seul, ce jour-là, te dis-je, j'enverrai ma demande à ta face de bouc, mais entre-temps, je vais faire ce que j'ai à faire. Soit ça, soit je te nique la tôle ondulée de ta mère. Wait. Hey. Ta gueule, chiné de connasse. Regarde, crotte de boule. Et toi, t'en perdras pas une miette. C'est tout à fait regrettable. Alors, est-ce que ça vous parle? Oui, ah, je pense. Marine, oui. Alors, donnez-nous un indice, Marine. Un indice. Un super-héros en rouge. Oui, effectivement, c'est un super-héros. Oui, ouais. Effectivement, avec des sabres. Je vais vous passer le deuxième extrait. Est-ce qu'il est un peu grossier? Oui. C'est Dark Vador. C'est même pas grossier, il est vulgaire, grossier, ouais, tout ce que tu veux. Excellent. Alors, je vais vous passer le deuxième extrait. Moi, le deuxième extrait m'a bien fait rigoler, écoutez. Je cite, cherche colocataire pouvant fermer les yeux sur les imperfections, travaux manuels souhaités. Tu préfères que je monte ton Ikea et toi tu payes le loyer? Mais t'as eu de la crotte au petit-déj ou quoi? Ok, je résume. L'arrache-queue à qui je dois ma face de steak m'est passée entre les mains. L'âme. C'était ma seule chance de redevenir beau gosse, retrouver ma meuf trop canon et empêcher d'autres innocents de subir ce genre de merde. Alors oui, j'aurais mieux fait de m'envoyer un godemiché en bois de ronce. Hashtag c'est moi qui ai pété. Voilà. Alors on est toujours sur... sur RLM. C'est toujours aussi bon. Hashtag c'est pas vrai, c'était Sherlock. Le hashtag c'est moi qui ai pété, j'ai trouvé ça excellent. Bon, oui. Voilà. Alors... Je me doute que vous avez trouvé. Ouais, je pense. Hein. Donc, on va se retrouver après le dernier extrait. Donc, c'est une chanson qui apparaît dans le film du début à la fin quasiment. C'est George Michael avec Careless Whisper. Oui, tout à fait. Oh. of a scream, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. C'était Michael, non, George Michael. Donc, c'est qui? Non, c'est parce que j'ai pas les titres, en fait. Je regarde mon écran, mais j'ai pas mis les titres. Pour être sûr qu'on triche pas dessus, en fait. Quand même, c'est celui-là non, où t'as rencontré ta femme. C'est ça. Ouais. Mais t'étais là, en fait. Bah, bien sûr que j'étais là. C'est moi qui faisais. On t'a fait Whisper. Ah oui, tu me caresses. Donc, c'était George Michael avec Careless Whisper. Alors, George Michael, à l'époque Wham. Oui, absolument. Oui. Parle-nous de Dark Vador. Alors oui, sauf que le single est sorti sous le nom. Oui, sous le nom de George Michael, oui, effectivement. C'est pas sous le nom de groupe. Non, effectivement. Faudrait même creuser ça, parce que tu as raison, c'est quand même surprenant, c'est quand même. Mais il y avait une raison, tu l'avais expliqué, je pense, à l'époque. Oui, alors je sais plus, il faudrait que je retrouve ça, mais c'est sur l'album Wham également. Donc, vous avez tous trouvé le film. Wham! Deadpool! Oui, effectivement. Bah, c'est pas Dark Vador avec des sabres et. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. C'était donc Deadpool. Donc Wade Wilson est un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Donc oui, effectivement, le film est complètement déjanté. Ça tranche complètement avec les films de super-héros qu'on a l'habitude de voir, notamment les X-Men ou les Avengers. Même s'il y a déjà de l'humour dedans, là, on part vraiment dans l'humour très trash. Ah, oui, quand même. Surtout la journée de la femme. Oui. Mais donc, non, franchement, mais je vous conseille de le voir, c'est vraiment... C'est quoi la journée de la femme, là? Je veux savoir. Je ne sais pas, tu te souviens pas? Deadpool. Ah bah, regardez Deadpool. Ils ont des journées dans leur couple, hein. Dans leur couple, en fait. Hein. Deadpool, avant d'être complètement massacré. Ah oui, exactement. Etc. Ouais. Ils ont des journées, c'est un couple complètement fusionnel, où ils s'éclatent complètement, et puis il y a évidemment, lui s'éclate avec sa femme, mais à un moment, il lui dit, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Ouais, il lui donne... Je vous regarder le film. D'accord, ouais, du coup, voilà. Donc, pour un budget de 58 millions de dollars, là où un film X-Men coûte environ 250 millions de dollars, le film totalise finalement plus de 783 millions de dollars de recettes mondiales, pour un taux donc de rentabilité de 1351%. Ah ouais, c'est énorme, énorme, ouais. Énorme. Le producteur donc Simon Kinberg a déclaré dans une interview qu'Olivia Munn avait auditionné donc pour le rôle de Vanessa Carlyle, donc la copine de Deadpool, et que cette audition avait abouti à la distribution du rôle de Psylocke dans X-Men Apocalypse, parce qu'elle a pas été retenue pour Deadpool. Ah oui. Mais il avait retenu son audition pour l'autre film. Ah bah, ça m'a plu mal. Oui. Alors donc au lieu du générique de début conventionnel, les producteurs, les acteurs principaux, les scénaristes et le réalisateur sont tous identifiés au début du film par des épithètes telles que un film de connard, produit par des faces de paix, mettant en scène un parfait idiot avec une photo de Ryan Reynolds, donc qui est l'acteur principal, en couverture de magazine, une bombasse, donc Morena Baccarin, un vilain très vilain, une ado boudeuse, un caméo gratuit donc pour Stanley qui apparaît dans tous les films. Ça fait penser à quelqu'un. Ouais, ouais, c'est vrai. Et réalisé par un con surpayé, voilà. Ah, ça fait penser s'il y a quelqu'un. Donc, dans la bande-annonce, on peut entendre le personnage de Ryan Reynolds demander, au moment où il se fait opérer et s'apprête à devenir donc un super-héros, à ne pas avoir un costume vert ni animé. Oui. Un gentil tacle à Green Lantern, donc il avait déjà incarné en 2011. Et le film avait rapporté seulement 231 millions de dollars dans le monde, alors qu'il en avait coûté 200 millions. Donc, c'était un flop quand même assez retentissant. Il n'a pas rapporté 200 milliards alors. Il a rapporté 31 millions en fait. Alors, il faut savoir que le film Deadpool contient plus d'une centaine de clins d'œil à diverses choses. Donc, je vous en ai repris que quelques-uns. Après avoir fait un cauchemar, Wade dit à Vanessa qu'il a rêvé qu'il enlevait la fille de Liam Neeson, ce qui renvoie donc à la série de films Taken. Quand Deadpool voit pour la première fois Negasonic Teenage Warhead, donc c'est une des super-héroïnes, il la compare à la chanteuse Sheena O'Connor, qui a elle aussi les cheveux courts, donc il l'insulte en la surnommant Sheena O'Connor, qu'on a entendu tout à l'heure. Oui. Lorsque Colossus dit à Deadpool d'aller parler au professeur, Deadpool rétorque McAvoy ou Patrick Stewart, parce que l'un des pouvoirs de Deadpool, en fait, c'est de savoir qu'il est un personnage fictif. Il est au courant que c'est pas un vrai pouvoir, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, le pouvoir Harry de Colossus. Non, je vois pas ça. Non, c'est un mec très très puissant. Voilà. Donc, il lui dit McAvoy ou Patrick Stewart. Donc, on s'y perd dans leur chronologie, en référence aux deux acteurs ayant incarné le personnage à diverses époques dans la saga X-Men. Quelques secondes plus tard, il fait même référence au film 127 heures avant de se couper la main. Ah. Et enfin, donc, lors de la scène post-générique, Deadpool fait clairement référence à la propre scène post-générique du film La Folle Journée de Ferris Bueller. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Bien sûr. Donc, reprenant le peignoir du héros et le décor, ainsi que les premières phrases de la scène, il change cependant légèrement la fin, parlant de Samuel L. Jackson dans son rôle de Nick Fury dans l'univers donc cinématographique Marvel, et annonce la présence du personnage de Cable pour le prochain film. Et effectivement, il y a eu Cable donc pour Deadpool 2. Mais c'est un bon film, hein, quelque part. Oui, c'est un bon film. Mais c'est super bien écrit. Hein. C'est super. Oui, c'est très très bien fait. Et franchement, pour ceux qui ont l'habitude de voir des films de super-héros, allez-y parce que vous allez vous attendre à quelque chose et vous allez tomber sur un truc complètement différent. C'est l'anti-super-héros. Oui, c'est ça. Entre le personnage empathique qui est là pour sauver les gens, etc., lui, c'est un, ça commence par un E et ça finit par un E. C'est ça. C'est, il en a rien à foutre de personne, quoi. Ça, bah, moi, ça me donne envie de le voir. Ah oui, oui, mais ça fait longtemps que j'essaye de le voir, mais je le trouve nulle part. Ça me fait penser un peu dans l'esprit Will Smith, rappelle-moi, science-fiction qui volait aussi. Qui ah oui, héros complet. Pardon, oui, absolument. Et voilà, c'est un peu le même esprit, à part que lui, c'est encore beaucoup plus virulent. C'est ça, ouais. Mais oui, effectivement, dans l'esprit, c'est un peu ça, ouais. Bah, merci. Eh bien, je vous en prie, et on va repartir tout de suite avec The Mars, The Final Cup. Allez, c'est parti. Et c'est bon. girl, she worth the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, young crazy faces. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't look at justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. In a fantasy, it's plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking onto my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Maybe it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's on the club all hazy. Spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she wants it. Ooh, she wants it. She wants it. I gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. I gotta give it to her. Et oui, toujours dans l'émission 120 ans compteur, on espère que vous passez une bonne soirée. Le temps file, il est déjà 21h25. Hein, et Harry à côté de moi, c'est toujours un grand moment en train de se marrer en tenant son coca. Alors, on va parler un petit peu de musique pour réveiller tout le monde. Avec tes lunettes à la Max Linsky, alors vraiment. C'est vraiment une découverte. Hein. C'est Matrix. Ah, ça va bien. C'est pour éviter de manger le micro, par contre. Ça va bien, les lunettes. Hein. Ah, ouais, franchement, non, mais comme ça va bien. Ça lui va bien, les lunettes. Bah, ouais, ça lui va bien. Ouais, ça me donne un de sadomaso, quoi. Ah, mais même sur les lunettes. Et donc, ça vous dit que je fasse ma chronique? Non, bah, bon, vas-y. On va parler un petit peu de musique. Allez, je vais vous parler d'une. Je vais vous traduire, en fait, une chanson très très connue, enfin, d'un chanteur formidable que vous avez connu entre les années 81 précisément et 88 après. Il s'est un peu étiolé. Donc, voilà la traduction. Je vais vous parler de lui. Et ensuite, on va passer des morceaux un petit peu plus péchus et techno de ce chanteur. Ça, c'est pas voilà, comme tu aimes. Hein. Alors voilà la traduction, vous avez essayé de trouver. Donne-moi du temps pour commettre mon crime. Laisse-moi t'aimer, voler. J'ai dans l'intérieur de tes yeux. Comment tu ne pas être... Je me doutais que ça allait être un truc comme ça. Veux-tu, Harry, vraiment me faire du mal? Veux-tu vraiment me faire pleurer? Baisers précieux, des paroles qui m'ont brisé. Les amoureux ne demandent jamais pourquoi. Dans mon cœur, le feu brûle. Alors choisis ma couleur, trouve une toile. Mes amis intimes me disent toujours, c'est un pas à pas, trop loin. Veux-tu vraiment me faire du mal? Veux-tu vraiment me faire pleurer? J'ai dit peu de mots, je pourrais perdre un millier d'années enveloppé par le chagrin, mais les mots sont si symboliques. Viens, l'intérieur et attrape mes larmes. Tu m'as dit tes raisons, mais crois-moi, si c'est vrai, tu ne sais pas ce que ce garçon t'aime sans aucune raison. Je suis prêt à te laisser partir si c'est de l'amour que tu veux de moi, alors Harry, emporte-le. Dans mon esprit, ma mémoire brûle. Ça, c'est un pas au-delà d'un pas trop loin. Je dis la vérité, mais c'est toujours un mensonge pour toi. Alors j'ai prononcé peu de mots. Je pourrais dormir 4000 ans, homme de peine. La parole incassable. Ta sueur comme du sang coule, comme des larmes. J'ai parlé peu, mais crois-moi, je sais que c'est vrai maintenant qu'il n'y a plus rien. Je ne sais pas. Je suis amoureux, l'amour est la raison. Je ne suis pas pour finalement te laisser partir, de toute façon. Si c'est l'amour que tu veux, alors prends tout de moi. C'est cet amour que je veux, et je veux finalement te voir. Voilà. Mais j'adore, c'est que... pas de moi, hein. C'est pas de moi. Il y en a qui ont trouvé dans le studio et ils essayent de mimer le truc où ils te disent. Alors, Mike, Mike, il a bien fait. Mike, il a bien fait. Quoi ? Ouais, je comprends rien. Bah, rien que la première phrase, oui, c'est du temps pour commettre mon crime avec notre anglophone Marine qui va nous le traduire en anglais. Eh ben, on est mal barré. Alors, do you really want. To hurt me. J'aime voilà, bien. Do you really want to hurt me? Qui est le grand succès du groupe britannique Culture Club. Absolument, et de son chanteur Boy George. Absolument, et George. George, voilà, qui est paru sur l'album donc Kissing to be Clever. Cette chanson sortie le 1er septembre 82 a établi leur notoriété dans le monde, hein, suivi Karma, Caméléon, etc. Avant de devenir une égérie de la communauté homosexuelle, c'est le cas, et d'enchaîner les succès, Boy George donc rencontre en 1980, pour en parler un peu, le groupe Bo Wo Wo. C'est pas une blague, c'est pas Po Wo, vous le voyez, non? Ça vous parle ? Non. Ouais, d'accord, mais parce que je l'écoutais, je ne le connaissais pas, j'ai écouté leur titre et c'est pas mal, avec lequel ils jouent dans un premier temps. Vous pouvez d'ailleurs le voir complètement inconnu à l'époque, en preview transgenre, hein, complètement, dans le clip I Want Candy, que j'ai découvert en fait cet après-midi. Et voilà. Mais son ego surdimensionné en fait pose déjà problème à la chanteuse Annabelle Lewin, qui chante très très bien, et le jeune ambitieux se fait vite remercier. Donc il décide de monter Culture Club avec John Moss, qui avait auparavant joué avec Adam and the Ants et deux autres groupes. Lors de la constitution du groupe, le quartet a connu plusieurs noms. Un petit quiz, après on sera une pause musicale et on y reviendra. Un petit quiz, je vais vous donner des noms réels d'avant Culture Club, c'était vraiment leur position. Ils allaient prendre ce nom-là et se sont dit finalement on ne le prendra pas. Vous allez me dire si à votre avis c'est des vrais ou faux. Sex Gun Children. Si, ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. Donc mauvaise idée par la suite, abandonnée d'un coma à cœur. In Praise of Lemmings. Bah non. In Praise of Lemmings. Ouais, oui, ça a failli être le nom. Quand même. Are You a Boy, George? Non. Caravan Club. Ah peut-être, ouais. Peut, ouais, Caravan Club. Ouais. George of the Jungle. Non. Non plus. Can Wet Club. Non. Can Wet Club, non. Si. Ah bon. Ah ouais, quand même. Eh ouais, Can Wet Club et RLM Children Club. Non. Donc c'était finalement Culture Club qui s'imposait donc comme une évidence vis-à-vis des diverses origines culturelles de chacun des membres du groupe, que d'ailleurs remarque Boy George en disant: je suis un Irlandais androgyne avec un Juif, un Noir anglo-jamaïcain et un Anglo-saxon. C'est une mauvaise blague en fait. Bah oui. Donc moi, je vous propose, j'ai une petite anecdote que je vais vous livrer après là-dessus. Mais on va d'abord faire une petite pause musicale. Je vous ai trouvé les compilations des mash-up en fait qui ont été faits justement avec Boy George, et vous allez voir, ça va un peu déménager, ça va remuer, ça va changer un ça peu. Ça va changer. Ouais. Allez, on revient. On fait de la bonne musique sur RLM. Ah bah voilà. Ah, je parle pour l'émission en tout cas. la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, donc voilà, c'était Boy George, que vous avez certainement reconnu. Alors la première est une interprète anglaise, en fait, qui chante. On m'a posé la question, c'est pas la voix de Boy George, c'est une interprète... C'est pas mal, hein, ils appellent ça le jingle. Il faut savoir qu'il a bien maigri, Boy George, vous l'avez vu récemment dans, sur... Ouais, il a bien maigri, il a bien vieilli aussi. Il a bien vieilli. Il est passé, il y a eu une mauvaise passe quand même, il faut dire qu'il a fait un peu de prison quand même. Absolument, mais bon... Il est amoureux, il a maigri, il est beau, tout ça. Et il fait partie, il est nouveau coach de l'édition britannique de The Voice. Ah. Donc, il faut savoir. Et il s'est déjà fait remarquer. Alors, je vous livre une anecdote. Donc c'est le très sérieux Sun, hein, le journal Sun qui en parle. Bah, le chanteur a créé la stupéfaction, pardon, sur le plateau de l'émission. Il aurait pu faire beaucoup plus grave. Je vous le concède. Lors de l'enregistrement des auditions à l'aveugle, en plein tournage, il s'est lancé dans un débat avec Paloma Faith, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chanteuse de Cambo, hein. Voilà, une autre coach du programme, sur quoi il avait collaboré avec les plus grandes légendes de la musique, etc. Et en fait, en parlant de ça, il y a la nana qui n'était pas vraiment impressionnée, et sa collègue a répondu qu'elle avait fait un duo avec Prince, et ça a été filmé, et il répond, attends, laisse tomber chérie, mais moi j'ai couché avec Prince. Nous on en parle comme ça, il y a une hystérie collective dans le public, la production intervient. On verra jamais le passage vidéo, oui, c'est sûr qu'il est incriminé, mais les deux journalistes du Sun attestent qu'ils étaient là et on leur a même demandé au niveau des vidéos, parce que c'était un crime de lèse majesté de dire qu'on avait couché avec Prince. Alors, est-ce que c'est vrai? La deuxième version fait qu'en fait, il dit que non, en fait, il avait simplement un poster de lui dans sa chambre, mais il tourne tout à la dérision, parce qu'il y a quand même une partie de l'émission qu'ils ne peuvent pas couper, c'était les auditions à l'aveugle. Mm-hmm. Donc il se reprend, il y a un passage qui est quand même visible là sur la vidéo, de 3 secondes, où il n'y a pas vraiment de réalité de la caméra qui change d'un seul coup de plan, et voilà. Donc manifestement... Bon, à rigueur, il n'y a rien de choquant, hein. Moi ça me choquera pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était Monsieur Boy George avec une belle traduction. J'avais essayé de regarder sur Chameleon, qui veut rien dire là pour coup. D'accord. Vous savez qu'il y a beaucoup de chansons qui sont un assemblage de mots qui n'ont aucun sens. Mmh. Mais moi, j'ai essayé d'y trouver du sens, il n'y a rien. C'est du truc pas possible. Voilà, j'ai fait ma chronique. Salut. Merci. Alors, mais de rien. Avant de refaire une coupure musicale et de retrouver évidemment les sorties sinoches de notre ami Sherlock, moi je voudrais parler d'un erratum. Ah. Oui, parce que je vous ai dit une bêtise la semaine dernière ou la semaine d'avant, quand vous vous rappelez quand on avait reçu Eric et Cachia. Oui. Voilà, et je vous avais dit, malheureusement, l'info elle était mauvaise, je vous avais dit qu'il avait gagné, qu'il était champion. Non, c'est faux. En fait, il a été sélectionné. D'accord. Et il part en Thaïlande donc pour le concours musculation. Il part en Thaïlande le 10 décembre. Et c'est là qu'effectivement on saura s'il est. D'accord, c'est déjà une belle prestation parce qu'il fallait qu'il passe les sélections. Il n'est pas champion du monde de musculation. Pas encore en tout cas, mais c'est les sélections. Et il le sera, je l'espère, peut-être pour lui. Ah, oui. Enfin, voilà. Déjà de sélectionner, c'est un beau. C'est un beau on l'espère cours. Pour lui, franchement. Ce serait. C'est vrai, oui. Ouais, puis si ça va pas, moi je l'attrape, je mets deux baffes. Et si ça va pas, j'envoie canon moi. C'est ça, exactement. Allez, on se retrouve après ça. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai. Que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Je, tu es, il. On a la rage au cœur, nos langages subtils.

RLM 107.9 FM. RLM. C'était Avicii avec son titre Wake Me Up. Voilà, Wake Me Up. J'aime bien Harry. Voilà. Là, il n'y a plus tout à fait Wake Me Up. Ah, c'est sûr. Voilà, bon, ouais. Ah, bah oui, il est décédé. C'est bon? Ouais, il est décédé il y a. D'ailleurs, on salue Enrico au passage. C'est vrai. Mireille Mathieu, hein, je pense que, qui va nous quitter dans pas très longtemps, apparemment. Selon un magazine allemand, ouais. Elle est mal en point. Hein. Ouais, Michel Sardou aussi. Ah ouais? Ils chanteront Michel, assis près de toi. Bon, sortie Cinoche. Oui, donc les sorties Cinoche, donc les films qui sont sortis hier, j'ai fait une petite sélection, il n'y avait pas grand chose, je trouve. Comment ça s'appelle? J'ai fait une petite sélection et en fait il y en avait deux. C'est à peu près ça, deux par pays. Donc Un amour impossible qui est sorti également en France, c'est avec Virginie Efira, Nils Schneider et Coralie Russe. C'est un film de Catherine Corsini. Donc ça se passe à la fin des années 50 à Châteauroux. Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe. Ça commence comme un film porno en fait, les trucs comme ça. C'est bon. Mais si, ça me fait penser à des trucs comme ça. Rencontre et font la mort, c'est un film porno. Ouais. Bah, vraiment envie d'aller non, mais c'est parce que je me rends compte en fait en le disant. Je me dis, par contre, Châteauroux, ça fait pas trop film érotique. Ouais, bon, écoute, donc Philippe, qui est un brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle, mais brève, naîtra une petite fille, Chantal. Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe pour elle, Chantal est son grand bonheur. C'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de 10 ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. Voilà, bon, effectivement, après, c'est plus du tout un film pornographique, mais sur le coup, le début, ça me faisait penser à ça. Mais c'est pas grand chose, hein. Ah, bah écoute, quand t'as envie, hein. On a bien compris, Charles. Donc, ensuite. Parle-nous des indestructibles. Ouais. Non, pas du tout. Seule la vie, c'est un film. C'est un rôle de composition. Sûrement, ouais. C'est un film avec Oscar Isaac, Olivia Wilde et Mandy Patinkin. Donc Mandy Patinkin qui jouait Jason Guidon dans Esprit Criminel, les premières saisons. Oui. Ah oui. C'est un film de Dan Fogelman et c'est sorti en France le 31 octobre. Alors donc, amoureux depuis l'université, Will et Abby, deux jeunes New-Yorkais, se marient. Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents, leur trajectoire se mêle à d'autres destins. Ceux de Dylan, jeune femme, jeune femme perturbée qui tente d'apaiser sa souffrance, d'Irwin qui élève sa petite fille dans un monde dangereux, de Mr. Saccione, riche propriétaire terrien espagnol, et de son intendant Javier, entouré de sa femme Isabelle et de leur fils Rodrigo. Elle est pas belle, j'ai l'impression que tu nous pitches une telenovela, ça donne envie. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, après les films porno, voilà. De quoi? Bah non, là je. Oh. Bon allez, on fait une petite coupure musicale et après je reviens pour. Ça me fait penser à un film, c'est moi qui l'ai pas fait. Ouais, bah, ça. Allez, une coupure musicale et on revient pour les sorties France. Je suis facteur du toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. C'était donc Volé de nuit de Calogero. J'adore. Oui, moi aussi. T'as bien fait de le claquer, le volet. Et donc, je vais donc vous parler des sorties France, donc les sorties France d'hier, avec le film Crazy Rich Asians. C'est un film avec Constance Wu, Henry Golding, Michel Yeo. C'est un film de John M. Chu. Et c'est sorti. Un type chinois, quoi. C'est où? C'est une parodie, rassure-moi. Non, pas du tout. Non, c'est un film qui, arrête, qui, il va prendre qui a eu de très bonnes critiques. C'est sorti en Belgique le 26 septembre. Putain. C'est pas comme si on enregistrait l'émission. Avant, je savais pas de carrière. Donc, née à New York, Rachel Chu n'est jamais allée en Asie. En accompagnant son fiancé Nick Young au mariage de son meilleur ami à Singapour, Rachel est donc enchantée de découvrir le continent de ses ancêtres, même si elle redoute un peu de rencontrer la famille de son fiancé. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son fiancé est l'un des plus riches en fait du pays. Et donc elle va être confrontée à sa famille qui n'aime pas du tout le fait qu'elle vienne d'un autre continent parce qu'elle n'a pas la même culture. Toutes les filles courent après son fiancé parce que c'est le mec le plus en vue en fait. Il faut le marier à tout prix, donc voilà. Le mec le plus ultra. Ensuite, j'adore ce rire. Bon, et je vais donc finir avec Saltan à l'hôtel El Royal. C'est avec. Ah ouais, non, mais alors là, franchement, je crois que vous allez accrocher à ce film. Non, mais c'est sorti Netflix là que tu. Non, pas du tout. C'est avec Jeff Bridges, Chris Hemsworth et Cynthia Erivo. C'est un film de Drew Goddard. C'est. Ouais. Moi je suis désolé mais franchement c'est pas français. Moi qui fais les noms non plus. Junkie Kixel c'est moi. Et donc c'est sorti le 24 octobre. Donc ces 7 étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El Royal sur les rives du lac Tahoe, un hôtel miteux au lourd passé. Au cours d'une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter avant de prendre un aller simple pour l'enfer. Ça fait penser à du Tarantino. Franchement, le film, en voyant la bande-annonce, je vous conseille d'aller la voir. On dirait franchement du Tarantino. Donc ça promet d'être un bon truc derrière. Enfin, je l'espère en tout cas. Bah, écoute. Je vous conseille d'aller le voir. Personne n'ira au cinéma, mais tout le monde arrive. Hein. C'est ça. Voilà. Donc on va se retrouver après une petite chanson et on se dira au revoir juste après. Hein. Ouais. Ouais, allez, avec Bruno Mars. Ouais, bien. Quelques minutes pour rappeler que nous sommes avec Mike. Mike, donc il faut venir te voir le 17 et 18 novembre. Salle des fêtes du centre Jean Jaurès à Waterloo. Voilà, pour Manipulation. Nouvelle pièce, la première, on va dire, théâtre-série. Voilà, une scène correspondant à 9 mini-épisodes. Et on explore et on dénonce les rouages d'une entreprise qui a perdu éthiquement pied et qui il se retrouve abandonné au jeu de pouvoir. Bien, donc ça s'appelle Manipulation, c'est écrit par Alexandre Morel, donc le 17 et 18 novembre, évidemment sur Facebook on mettra le voilà, lien pour tout retrouver toutes les informations. On remercie Marine. Merci à vous. Et puis pour cette découverte donc avec Philippe Pruvot. Pierre Pruvot. Pierre Pruvot, voilà. On remercie Canon. Mais de rien, de rien. Vous avez fait redécouvrir Culture Club. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, c'est parfait. Sherlock. Oui. Merci à toi. Bon, merci. Je crois que t'as dit on te remercie pas. Hein. Non plus, mais c'est pour politesse. Oui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et puis n'hésitez pas à balancer vos coms sur notre page Facebook. Et puis portez-vous bien, restez à l'écoute de RLM. Et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Allez, ciao, ciao. On revient tout de suite. On revient tout de suite. Tout de suite. Dernière sur la fréquence. Premier solide. RLM. Dernière sur la fréquence. Premier solide. RLM. Il est déjà 22h.